Parfois je me demande, mais qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Je sais que tu mens, mais ce qui me tue, c'est que je t'aimais vraiment. Je suis parti, bah ouais, le cœur lourd entre les mains. Je suis parti, bah ouais. Je suis parti parce que c'est trop tard. Ah, ah, les filles comme toi ça change pas. Non, non, non, non. Non mais c'est pas normal, normal. Tu joues trop bien la comédie, yeah. Tu portes si bien ce masque, ce masque. On dirait que t'es hanté. Baby, tragédie. Toi dans ma vie c'est une tragédie. Baby, tragédie. Toi dans ma vie c'est une tragédie. Baby, tragédie. Toi dans ma vie c'est une tragédie. Baby, tragédie. Toi dans ma vie c'est une tragédie. C'est même pas la peine de te dire ce que je pense. De toute façon notre relation n'avait aucun sens. C'est de ma faute, j'aurais pas dû te faire confiance. J'ai fait une erreur, la prochaine fois je serai plus méfiant. Tu m'as déçu, tu m'as déçu. Laisse tomber, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, tu m'as déçu. Laisse tomber, tu m'as déçu. Tête et mon cœur, tu n'es plus là, plus là. Là j'ai la flemme de m'expliquer, expliquer. Pour toi je devrais même pas m'appliquer, expliquer. Me séparer de toi c'est pas compliqué, jamais. Dans plus important je suis impliqué. Hey, quand je vais te tourner le dos, oh, tu comprendras que c'est fini. Tu comprendras que c'est fini. Quand tu me verras avec une eau, oh, tu comprendras que c'est fini. Tu comprendras que c'est fini. Hey, revenir vers toi jamais, jamais. T'aimer à nouveau jamais, jamais. Moi te pardonner jamais. Baby, baby, tragédie. Toi dans ma vie c'est une tragédie. Baby, baby, tragédie. Toi dans ma vie c'est une tragédie. C'est même pas la peine de te dire ce que je pense. De toute façon notre relation n'avait aucun sens. C'est de ma faute, j'aurais pas dû te faire confiance. J'ai fait une erreur, la prochaine fois je serai plus méfiant. Tu m'as déçu, tu m'as déçu. Laisse tomber, tu m'as déçu. Tu m'as déçu, tu m'as déçu. Ah.